Quand Jésus rencontre les gens de son pays. Un jour, à Nazareth, Jésus entre dans la maison de prière. Après avoir fait la lecture, il dit devant tout le monde : Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Eh bien, aujourd'hui, Dieu tient sa promesse. Ceux qui sont là veulent le faire taire. Mais qui est celui-là? C'est un fou! Il se prend pour le Messie! Un autre jour, au bord du lac de Galilée, la foule se bouscule autour de Jésus. Tout le monde veut l'écouter et le voir. Alors Jésus monte dans une barque et s'éloigne un peu du bord. Il parle de Dieu qui aime tous les hommes et qui veut être leur ami. Jésus voit deux pêcheurs, André et Pierre, qui tirent leur filet sur la plage. Jésus les appelle. André, Pierre, laissez vos filets. Venez, suivez-moi. Matthieu ramasse les impôts. Jésus le voit, assis à son bureau et lui dit « Matthieu, suis-moi. » Matthieu arrête son travail, il se lève, laisse ses affaires et suit Jésus. Jésus choisit ainsi 12 amis, ses apôtres, pour l'aider à annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Un jeune homme riche demande à Jésus « Que dois-je faire pour être vraiment un ami de Dieu ? Je fais tout ce que dit la loi et pourtant mon cœur reste triste. » Jésus lui dit « Donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. » « Tout donner ? Quelle folie ! Je ne peux pas faire cela !» Le jeune homme riche s'éloigne. Il a très envie de pleurer. Jésus est invité à dîner chez Simon, un homme important. Simon sourit. Il est fier d'avoir Jésus comme invité. Une femme s'approche, un flacon de parfum à la main. Elle tombe à genoux, aux pieds de Jésus, en pleurant. J'ai fait quelque chose de très mal. Pardonne-moi. Elle lave les pieds de Jésus avec le parfum et elle les embrasse. Alors Jésus lui dit « Je te pardonne, va en paix. » Puis il dit à Simon « Tu vois, je lui pardonne tout car son cœur est plein d'amour. » Jésus demande à ses amis « Qui, dit-on que je suis ?» Pierre répond « Les gens pensent que tu es Jean le Baptiste. Certains disent que tu es un prophète. » « Moi, je sais que tu es le Fils de Dieu. » Jésus lui répond. « Bravo, c'est Dieu qui t'a fait découvrir cela. » Jésus envoie ses amis deux par deux. « Partez sur les routes. N'emportez rien pour le voyage, ni pain, ni sac, ni argent. N'ayez pas peur d'entrer dans toutes les maisons pour parler de Dieu. » Plus tard, sur une montagne, Pierre, Jacques et Jean voient Jésus devenir tout brillant de la lumière de Dieu. Jésus va souvent dîner chez deux sœurs, Marthe et Marie. Un soir, Marthe est très en colère. « Marie est là, tranquille à t'écouter. Et moi, je prépare le dîner toute seule. » Elle pourrait faire quelque chose. Mais Jésus dit à Marthe, « Tu te donnes beaucoup de mal pour ce dîner. Marie préfère m'écouter. C'est le plus important. » Quelle chaleur! Il est midi. Le sable de la route brûle les pieds. Jésus est fatigué. Il s'assoit au bord d'un puits pendant que ses amis vont chercher de la nourriture au village le plus proche. Une femme arrive pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, J'ai soif, donne-moi à boire. Merci pour cette eau. Si tu le désires, moi je te donnerai l'eau qui fait vivre et tu n'auras plus jamais soif. À Jéricho, Zachée ramasse les impôts pour les Romains. Il est très riche. Les gens pensent qu'il triche. Personne ne l'aime. Aujourd'hui, Jésus est à Jéricho et tout le monde veut le voir. Zachée aussi voudrait voir Jésus, mais il est trop petit. Il grimpe dans un arbre pour mieux voir. Jésus lève les yeux vers lui. Zachée, descends de ton arbre. Aujourd'hui, je vais chez toi. Zachée n'a jamais été aussi heureux. J'ai un invité dans ma maison. Il ouvre sa porte toute grande. Mais certains habitants sont furieux. Zachée leur dit: j'ai découvert l'amour de Jésus. Je vais donner la moitié de mon argent aux pauvres. Et si j'ai volé de l'argent à l'un d'entre vous, je lui en donnerai 4 fois plus. Un groupe de gens s'agite et crie: regarde Jésus! Cette femme a abandonné son mari. Elle vit avec un autre homme. Certains veulent lui lancer des pierres. Il faut la punir! C'est une mauvaise femme! Jésus dit: vous voulez la punir parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Qui parmi vous n'a jamais rien fait de mal? Celui-là peut lui jeter la première pierre. Alors, ils réfléchissent et, les uns après les autres, ils repartent chez eux. Jésus dit à la femme: lève-toi. Moi non plus, je ne te punis pas. Va et ne recommence pas. Chut! Allez jouer plus loin, les enfants! Jésus ne vous parle pas! Jésus a tout entendu. Il se fâche. Laissez-les venir près de moi. Il dit aux enfants: approchez, venez tout devant. Puis, il explique aux grands: j'aime tous les enfants. Je leur réserve la première place près de moi. Soyez comme eux. Un jour, Jésus confie à ses amis: quand vous priez, parlez à Dieu comme à un papa, en disant: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. »